بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui, le jeudi 4, le 4 ذو القعدة de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 25 juin 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wa salam et de plusieurs points qui s'y rapportent à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire, et dont le livre s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler des différents lieux que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a visité, auquel il s'est rendu alayhi salatu wa sallam. C'est ce que les hommes de science appellent les voyages prophétiques. Et comme vous avez pu le constater cette dernière partie, avant de commencer à parler des points spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit par rapport aux autres prophètes ou par rapport aux membres de sa communauté, avant d'entamer cette dernière partie, j'ai oublié le faïda que je voulais citer. Khair inshallah. Donc, je voulais dire que ces différents points que l'imam Ibn Kathir a cités avant d'entamer la dernière partie de son livre, dans laquelle il a parlé des caractéristiques et des points spécifiques à notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces points, c'est comme un résumé de ce qui a précédé. Et comme si, rahimahullah, il a organisé la sira d'une manière différente. Et ça, c'est des styles très connus chez les hommes de science. Et c'est une manière de maîtriser la science. C'est d'aborder la chose de plusieurs points de vue. Si vous prenez Nahou, et si on prend l'Ajrumiyya, vous trouvez que Ibn Ajrum, rahimahullah, il a cité Alamat al-I'rab, et il a cité les mots selon les différentes catégories. Et après, il a organisé ça d'une autre manière, à ce qu'il a cité, au début, il les a classés selon l'haraka, harakat al-I'rab. Ensuite, il a cité dans un autre ordre, dans lequel il a cité le marfouat, le mansoubat, le majrourat, et ainsi de suite. Donc ici, c'est à peu près pareil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ces points, vous allez constater que ce sont des choses qu'on a vues dans la sira. En parlant de la sira, nous avons vu beaucoup de ces points. Donc il a commencé, rahimahullah, par ses deux voyages vers Sham. Sham, c'est actuellement la Syrie, la Palestine, le Liban et une partie de la Jordanie. Donc son premier voyage, c'était pour Sham, avec son oncle Abu Talib, dans un commerce de Abu Talib. Les Arabes, ils avaient pour habitude de faire deux voyages dans l'année, deux voyages commerciaux, un vers Sham, et le deuxième vers le Yémen. C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran, Rihlat al-Shita'i wa-Saif, le voyage de l'été et de l'hiver. Le voyage de l'hiver et de l'été. Les deux voyages vers Sham et vers le Yémen. Donc il a accompagné son oncle dans ce voyage, comme on l'a déjà vu, à l'âge de 12 ans. Et dans ce voyage, le prophète alayhi salatu wasalam, qui avait uniquement 12 ans, il a attiré l'attention d'un moine, d'un religieux chrétien qui était dans ces régions-là, qui s'appelle Bahira. Il a attiré son attention et il a su, yani, à travers plusieurs signes, et je les avais cités dans les détails quand on a parlé de ce point, les choses par lesquelles a été annoncé l'envoi de notre prophète alayhi salatu wassalam. Bahira a constaté beaucoup de choses et il a demandé à son oncle de ne pas l'accompagner dans ce voyage et de le renvoyer vers Mecca, car il craignait pour lui qu'il se fasse apercevoir par les Juifs de Cham et qu'il se fasse tuer. Et ça, c'est rapporté dans un hadith de Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Ce hadith a été rapporté dans Sunan Tirmidhi. C'est un long hadith. C'est un long hadith qui décrit cette sortie du prophète alayhi salatu wassalam avec son oncle vers Sham. Ce hadith a été jugé authentique par l'imam al-Albani, excepté un seul détail qui est cité dans ce hadith, qui a été considéré par les hommes de science comme une erreur. C'est justement quand Abu Talib a voulu renvoyer le Nabi alayhi salam vers Mecca, il a envoyé avec lui Bilal. Et ça, c'est une erreur sans aucun doute que m'ont mentionné les savants. Mais sinon, le hadith, il a été jugé authentique. Donc, dans ce hadith, le Nabi alayhi salam, il est sorti en compagnie de son oncle Abu Talib vers Sham, avec d'autres notables et dignitaires de Quraysh. Et quand ils se sont approchés de ce moine, qui s'appelle Bahira, ils se sont arrêtés à côté de lui. Et ils ont posé leurs affaires et leurs bagages, car dans les voyages, ils faisaient ce qu'on appelle une marhala, une étape, et après ils s'arrêtent, ils se reposent. Et ainsi de suite. Et en général, l'étape, il traversait dans une étape à peu près 40 kilomètres. Et après, il s'arrête, il se repose, et le lendemain, ils font pareil. C'est pour ça, yani, entre Mecca et le Madina, il faisait 10 jours. Il faisait 10 jours, il y a 10 étapes dans lesquelles ils vont traverser à peu près 400 kilomètres. 40 kilomètres par jour, ça fait à peu près 400 kilomètres. Donc, ils se sont arrêtés, ils ont descendu leurs affaires pour se reposer à cet endroit. Et il est sorti, Bahira, quand il les a vus, il est sorti. Et avant cela, ils avaient l'habitude, quand ils passaient pour lui, ils s'arrêtaient chez lui, ils discutaient avec lui. Donc, ils avaient une connaissance avec cet homme. Mais, lui, par contre, il sortait pas vers eux. C'était eux qui venaient, ils lui rendaient visite, ça leur arrivait de faire cela, mais jamais lui sortait vers eux. Contrairement à cette fois, quand il y avait avec eux, le prophète alayhi salatu wassalam à l'âge de 12 ans. Il a pris la main du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, celui-là, c'est le maître de l'univers, c'est le maître de l'univers. Celui-là, c'est le messager du Seigneur de l'univers. Celui-là, il sera envoyé comme miséricorde pour l'univers. Les notables de Quraysh se sont étonnés de ces paroles. Ils lui ont dit, qu'est-ce que t'en sais? Il a dit, quand vous vous êtes approché de l'endroit où je suis, de ce petit mont, une colline, il y avait une colline avant d'arriver chez lui, il leur a dit que quand vous êtes approchés de cette colline, il ne restait rien qui ne s'est pas prosterné à cet homme, à ce jeune homme, que ce soit un arbre ou une pierre, Tout le monde s'est prosterné pour lui. Et ça, c'est la prosternation de salutation qui était autorisée avant et qui a été interdite dans la législation de l'islam, cette législation parfaite qui a fermé toutes les portes de shirk. Mais avant, c'était autorisé. Et on salue quelqu'un en s'inclinant ou en se prosternant, comme ils l'ont fait les frères et les parents de Youssouf alayhi salam devant Youssouf. Mais ça, c'était une prosternation de salutation pour la distinguer de la prosternation d'adoration. Et ensuite, il leur a dit, il ne se prosterne que pour un prophète. Il ne se prosterne que devant un prophète. Et il leur a dit, et je sais que c'est un prophète avec un signe qu'il a sur son dos. En dessous de l'épaule, qui est semblable à une pomme. En effet, il est un petit peu plus petit que la pomme, comme on a vu, comme l'œuf d'un pigeon. Et ensuite, il est reparti et il leur a préparé à manger. Il leur a préparé à manger et les a invités. Et il leur a donné à manger et lui, il est parti pour s'occuper de ses chameaux. Car il faisait paître ses chameaux, il est parti pour s'en occuper. Et il a demandé à ce qu'on appelle le messager d'Allah, alayhi wa sallam. Après son retour, il leur a dit, appelez-le, il vient avec vous. Yani, Nabi, alayhi wa sallam, n'était pas avec eux, il leur a dit, venez et ramenez-le avec vous. Et effectivement, ils l'ont ramené quand il venait, alayhi wa sallam, il y avait comme un nuage au-dessus de lui, un nuage, qui le couvrait et qui le protégeait des ombres du soleil, alayhi wa sallam. Et quand il est arrivé, alayhi wa sallam, pour s'asseoir sous cet arbre, à cet endroit dans lequel il leur a servi à manger, il a trouvé que tout le monde avait pris place sous l'ombre. Et il ne lui restait qu'une place qui n'était pas ombrée. Quand il s'est assis, l'arbre a penché vers lui. Il l'a ombré. Et pendant que cet homme Bahira les suppliait et leur demandait fortement de ne pas l'accompagner avec eux chez les Romains, au Cham, il leur a dit, ils vont le reconnaître avec ces descriptions qu'ils ont dans leur livre et ils vont le tuer. Et pendant qu'il leur parlait de ça, justement, il y a sept hommes qui sont venus, qui étaient justement des Romains. Et il s'est levé, il est parti vers eux. Il ne les a pas laissés s'approcher du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et il leur a dit, on est venu parce qu'on a entendu qu'il y a un prophète qui va sortir pendant ce mois. Et il ne restait pas un endroit sans que dans lequel il n'y a pas été envoyé des soldats pour essayer de trouver cet homme. C'est pour ça qu'on est venu jusqu'ici. Et il leur a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière vous? Ils ont dit, non, ils étaient les seuls, les sept. Il leur a dit, est-ce que, si jamais Allah il veut accomplir une promesse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'empêcher, le stopper? Ils ont dit, bien évidemment, non. Bien évidemment, non. Il a dit, alors, faites-lui pacte d'allégeance. Et Nabi alayhi salam, dans ce voyage, il avait 12 ans. Il leur a dit, faites-lui pacte d'allégeance. Et je vous demande par Allah de ne pas lui faire du mal. Il a demandé à ceux qui étaient en compagnie du prophète, alayhi salam, notamment Yanni, son oncle, il leur a dit, c'est qui parmi vous son tuteur? C'est qui parmi vous son tuteur? Ils ont dit, Abu Talib a dit, c'est moi. C'est moi qui est responsable de lui. Il lui a dit, je te demande par Allah de ne pas l'accompagner jusqu'à chez les Romains et de le renvoyer à Mecca. Et Abu Talib a été convaincu il l'a renvoyé à Mecca, il a envoyé en sa compagnie Abu Bakr. Abu Bakr a envoyé en sa compagnie Bilal ibn Abi Rabah, Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Et c'est ça qui est le point qui est blâmable. Parce qu'à ce moment-là, comment Bilal a été présent dans cette histoire? C'est ça que les hommes de science ont trouvé étrange. Mais sinon, toute l'histoire est rapportée d'une manière authentique. Donc ça, c'est par rapport à son premier voyage. Le premier voyage du prophète alayhi sallam vers Sham. Le premier voyage, parce qu'il y a eu un deuxième voyage qu'on a vu également, dans lequel il est sorti avec une caravane commerciale appartenant à Khadija radiallahu anha. Khadija bint Khuwaylid, qui avait entendu parler de la confiance du prophète alayhi sallam et de sa dignité et tout ça, et elle a voulu qu'il s'occupe d'un commerce à elle, contre un salaire. Chose qu'il a accepté alayhi sallam, et elle a envoyé avec lui un esclave qui lui appartenait, qui s'appelle Maïsara. Et quand il est arrivé à Bousra, une ville dans la région de Sham, là également, il a rencontré un autre moine qui s'appelle Nastoura. Et il a eu avec lui plusieurs choses, et également ce moine a reconnu en lui les descriptions de la prophétie. Et il a eu plusieurs choses qui se sont passées avec lui, et plusieurs choses se sont déroulées également parmi les choses étonnantes dans ce voyage dont a témoigné Maïsara, et qu'il a rapporté à sa maîtresse, la femme qui le possède, Khadija radiallahu anha. Et c'est ça, parmi les choses qui ont donné envie à Khadija radiallahu anha d'épouser le prophète alayhi salatu wassalam. En plus de ce qu'elle connaissait de lui, ces choses-là lui ont donné envie de l'épouser. Et c'est pour ça qu'elle a envoyé une amie à elle lui proposer de venir la demander au mariage à son père. Ce que le Nabi alayhi salam a fait au début, quand on a parlé de ça, on a évoqué que au début, le Nabi alayhi salam a été réticent parce qu'il s'est dit que le père de Khadija, radiallahu anha, qui est une femme qui était très demandée pour sa noblesse et pour ses différentes qualités, également pour sa richesse, beaucoup d'hommes souhaitaient l'épouser. Et donc, Nabi alayhi salam s'est dit que son père va le refuser, car il n'a pas de père. C'est à la base, c'est un orphelin, alayhi salam. Mais elle l'a convaincu de demander, et alhamdoulilah, le mariage s'est fait. Il l'a épousée, elle avait 40 ans, et lui, alayhi salam, avait 25 ans. Il est resté marié avec elle 25 ans. Jusqu'à sa mort, radiyallahu anha, à l'âge de 65 ans, il n'a pas épousé une autre femme avec elle, pendant qu'il était marié avec elle. Ça, c'est les deux voyages vers Sham. Ensuite, Nabi Isa al-Salam a fait le voyage vers la Palestine. Et de là, il est monté dans les cieux, jusqu'au septième ciel. Et après, il a dépassé, il est arrivé à un endroit où jamais aucune autre créature n'est arrivée avant lui, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est le voyage nocturne et l'ascension. Donc ce voyage nocturne, il s'est fait de nuit, comme on avait vu après salat l'Isha, de la terre sacrée, Al-Masjid al-Haram, et on a vu que ce voyage a commencé de sa maison, alayhi salatu wassalam, vers la mosquée de l'Aqsa. Et qu'Allah Azzawajal, à cet endroit, il a réuni pour lui tous les prophètes, sans exception. Et il les a dirigés dans une salat. Et ensuite, Jibril alayhi salam, après cette salat déjà, Jibril alayhi salam lui a ramené deux récipients. Dans un, il y avait du khamr, et dans l'autre, du laban. Dans un, il y avait du vin, et dans l'autre, il y avait du lait. Il lui a donné le choix, et il a choisi le lait. Jibril alayhi salam lui a dit, t'as choisi la nature humaine saine, ou t'es en accord avec la nature humaine saine. Et le vin, il ne faut pas s'imaginer le vin haram. Après, Jibril alayhi salam l'a pris, il a monté avec lui, ils ont traversé les sept cieux. Le premier ciel, le deuxième ciel, et dans chaque ciel, il a vu des prophètes, alayhi salatu wassalam. Il a vu, comme on avait vu, dans le premier ciel, le ciel du bas monde. Et le premier ciel, c'est pas les couches atmosphériques. Le premier ciel, personne ne peut le traverser. Aucune créature. Et son épaisseur est de 500 ans de marche. Et il a une porte. Quand quelqu'un qui arrive, à qui Allah a permis d'entrer, l'ange chargé de cette porte dans ce ciel lui ouvre la porte. C'est pour ça même Jibril alayhi salam, quand il est monté avec le Nabi alayhi salam, l'ange gardien du premier ciel lui a demandé qui était avec toi. Il a dit Muhammad. Il lui a dit lui a été permis de venir avec toi. Il a dit oui. Et là il lui a ouvert. Tout ce qu'on voit, l'univers, tout ça, c'est en dessous du premier ciel, qui est appelé le ciel du bas monde, car c'est le ciel le plus proche de cette dunya, de ce bas monde. Donc dans le premier ciel, il avait vu Adam alayhi salam. Dans le deuxième, il a vu les deux cousins, Isa et Yahya, alayhim as-salam. Leurs mères, ce sont des sœurs. Et il a vu dans le troisième, Yusuf, alayhi as-salam, fils de Yaqub. L'homme à qui Allah a donné la moitié de la beauté de l'humanité. Et dans le quatrième, il a vu Idris, alayhi salam. Dans le cinquième, il a vu Haroun, alayhi salam, le frère de Moussa. Et il a vu Moussa dans le sixième. Et dans le septième, il a vu Ibrahim, alayhi salam. Un frère m'a déjà posé la question, est-ce qu'il y a une sagesse dans cet ordre? Et je lui avais répondu que Allahu a'lam. Et je n'ai jamais entendu un savant qui cite une sagesse. Est-ce qu'il y a une sagesse dans cet ordre? Et pourquoi il a vu que ses prophètes et pas les autres? Wallahu a'lam. Et ce que j'avais vu des hommes de science par rapport à ce point, c'est s'il y avait quelque chose profitable pour nous, Allah nous l'aurait fait savoir. Donc il a vu ses prophètes dans ses cieux et c'est dans ce voyage qu'Allah Azza wa Jalla lui a prescrit la prière nocturne, qui lui a prescrit as-salat. C'est dans ce voyage qu'Allah Azza wa Jalla lui a prescrit as-salat. Et il lui a prescrit salat directement, sans intermédiaire. C'est-à-dire sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Alors que dans toutes les autres législations de l'islam, c'était par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, qui descendait avec la révélation d'Allah sur le prophète, alayhi salatu wassalam, sous différentes formes. Mais la salat, elle a cette particularité qu'elle a été prescrite tout d'abord dans le ciel, directement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète, alayhi salatu wassalam, sans intermédiaire. Et elle a été prescrite 50 salats au début, et Allah n'a cessé de l'alléger, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'il l'a allégé à 5 salawats. Mais c'est resté 5 ans dans la récompense, walhamdulillah. Donc nous on prie aujourd'hui 5 salawats, mais on a la récompense de la prière de 50 salawats, comme elle a été prescrite, à salat. Et ensuite, il est monté, alayhi salatu wassalam, jusqu'au lotus de la limite, ce qu'on appelle Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, c'est un arbre. Yani que aucune créature ne peut dépasser. Même pas Jibril, alayhi salam, comme c'est rapporté dans des hadiths. Et Nabi, alayhi salam, il est arrivé à cet endroit-là, dans lequel, il s'est approché d'Allah, azza wa jal, tellement, un degré que aucune créature ne s'est approchée autant que lui avant lui, alayhi salatu wassalam. Il est arrivé jusqu'à ce lotus, Sidrat al-Muntaha. Et là, il a vu Jibril, alayhi salam. Il l'a vu comme Allah l'avait créé, comme il est réellement. Car Jibril, alayhi salam, il venait toujours au prophète, alayhi salam. Des fois, il entendait juste une voix. Des fois, il lui insuffle dans sa poitrine. Des fois, il voit un homme avec l'apparence d'un de ses compagnons ou un autre homme, comme dans Hadith Jibril, un homme que personne ne connaissait. Et ainsi de suite. Mais Nabi alayhi salam n'a vu Jibril alayhi salam comme Allah l'a créé réellement que deux fois. Allah azza wa jalla lui a donné cette force et cette capacité de pouvoir voir Jibril alayhi salam. Et il l'a vu, comme il l'a décrit, il a dit, il avait 600 ailes. Sittumi'ati janah. Il a 600 ailes. Avec deux ailes seulement, avec une de ses ailes, alayhi salam, Jibril, tu ne voyais plus rien. Il coupait l'horizon avec une aile, alayhi salatu wassalam. Jibril, c'est l'ange le plus proche et le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des anges, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. C'est pour ça, Allah Azza wa Jalla l'a chargé de la mission la plus noble. Descendre avec la révélation sur ses prophètes. C'est lui qui descendait avec la révélation sur tous les prophètes. C'est pour ça quand Abdullah ibn Salam, quand il a parlé avec le Nabi Aïssa wa Salam, il lui a cité Jibril, il lui a dit ça, c'est l'ennemi des juifs parmi les anges. Et ensuite, il s'est approché d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça a été rapporté dans les récits. Et il a vu parmi les plus grands signes de son Seigneur, comme Allah Azza wa Jalla dit, لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Ainsi, il a pu voir les plus grands signes de son Seigneur. Et Allah Azza wa Jalla s'est adressé à lui, il a parlé à lui, avec lui. Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé. Comme il dit l'imam Ibn Kathir, dans la vie le plus connu des savants du hadith. Et il a vu son Seigneur avec ses yeux, selon l'avis de quelques-uns parmi les savants du hadith, tels que l'imam Ibn Khuzayma. Et certains l'ont suivi parmi les savants du hadith, parmi les, yani ceux qui sont venus après, certains l'ont suivi. Ils ont suivi l'imam Ibn Khuzayma dans cet avis. Comme quoi, Nabi alayhi wa sallam a vu Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit réellement avec ses yeux. Et l'imam muslim a rapporté selon Abdullah ibn Abbas que le Nabi alayhi wa sallam a vu son Seigneur avec son cœur. Et Aïcha radiallahu anha a blâmé celui qui dit qu'il l'a vu avec ses yeux. Yani une vision réelle. Et l'imam muslim a rapporté selon Abu Dharr radiallahu anha Il a dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il a dit, il est voilé par la lumière. Comment le voir? Ça, c'est le sens. Nourun anna ara. Une lumière. Comment le voir? Yani, le sens, il est voilé par la lumière. Comment le voir? Et ça, yani, c'est explicite dans cette question. C'est explicite dans cette question. Et c'est tranchant dans cette divergence que le Nabi lui-même, il a répondu. Est-ce que tu as vu ton Seigneur? La réponse, non. Donc, ça, c'est un point tranchant dans cette divergence. Et cette divergence, comme on l'avait vu, et je vais vous le lire, de la parole de l'imam Ibn Kathir, il va le citer tout de suite, cette divergence n'a pas eu lieu entre les compagnons. Les compagnons, ils n'ont pas de divergence sur ce point. Et ce qui est rapporté d'Ibn Abbas, comme quoi le prophète a vu Allah, il est expliqué dans d'autres versions, dans lesquelles il dit qu'il l'a vu avec son cœur, comme cette version rapportée par l'imam muslim, que je viens de lire. Donc entre les compagnons, il n'y a pas de divergence. Mais il y a des savants du hadith, tels que l'imam Ibn Khuzayma, qui a compris de ses paroles que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah réellement avec ses yeux. Donc la divergence a eu lieu après. Et les imams qui ont eu cet avis, malgré qu'ils sont minoritaires, ils sont excusés. Parce qu'il y a certains récits de Abdullah ibn Abbas qui laissent entendre ça. Mais celui qui a compilé tous les récits de Abdullah ibn Abbas, il ne comprend qu'une seule chose. Que le Nabi a vu Allah avec son cœur et non pas avec ses yeux. C'est-à-dire une vision scientifique. Et ça, c'est l'avis de beaucoup parmi les imams, anciens comme contemporains, en se basant sur ce hadith de Abu Dharr, radiallahu anhu, dans lequel il a interrogé le Nabi a.s. Est-ce que tu as vu ton Seigneur? Il a dit, Nourun anna ara, voilé par la lumière, comment le voir? Et comme c'est rapporté de Aïcha radiallahu anha, et ça c'est très connu d'elle, qu'elle disait que le Nabi a.s. n'a pas vu Allah réellement. Et c'est très connu, c'était très propagé. Et on ne connaît pas un seul sahabi qui a dit l'inverse, ou qui a blâmé la vie de Aïcha radiallahu anha, ou qui a dit qu'elle avait pas raison. Et ça c'est une forme de consensus, ce qu'on appelle Ijma'un Sukuti. Quand un sahabi rapporte une chose et qui se propage et on ne connaît pas quelqu'un qui dit l'inverse, ça c'est une unanimité. C'est considéré comme une forme d'unanimité. Car l'unanimité des savants, à la base, elle est connue par en exprimant leur opinion et son accord sur le point. Ça, c'est la base dans l'unanimité des hommes de science. Mais il y a une deuxième unanimité qui est inférieure dans la force, mais ça reste un ijma'. Quand un seul sahabi ou deux, ou quelque chose comme ça, un petit nombre, donne un avis et on ne connaît pas un sahabi qui donne l'inverse et qui s'oppose à cet avis. Ça, c'est comme une unanimité également. Car le fait que cet avis soit propagé et que personne ne s'y est posé, ça, c'est comme si c'est un consentement. C'est un consentement et c'est un accord de leur part. Et ça, ça s'appelle un ijma également. Ce qui est le cas ici dans ce point. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il dit que ce que nous disons par rapport à ce point, que ce qui est rapporté de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, comme quoi le prophète, alayhi salam, a vu Allah avec ses yeux, ceci n'est pas authentique de lui. Ça n'a pas été rapporté d'une manière authentique. Par contre, ce qui a été rapporté d'une manière authentique, c'est les narrations dans lesquelles il dit qu'il l'a vu avec son cœur. Et donc, il n'y a pas de divergence entre les compagnons dans ce point. Et ce point, je l'avais détaillé quand on a parlé de l'Isra ou le Mi'raj. Nabi alayhi sallam également a vu le paradis. Et il a vu l'enfer. Et il a vu parmi les plus grands signes d'Allah Azzawajal. Dans cette nuit également. La nuit de l'ascension. Et c'est dans cette nuit qu'Allah Azzawajal lui a prescrit les 5 salawats quotidiennes. Et ensuite, il est descendu du ciel à la terre. Il est descendu à Mecca. Et à la matinée de ce voyage nocturne et de cette ascension, il a raconté ce qu'il a vu aux gens. Et on avait vu que Abu Jahl, quand il a entendu ça, il s'est dit qu'il avait trouvé le moyen pour faire douter les gens du prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit que, en une seule nuit, il est parti jusqu'à Cham, la Palestine, de Cham, et ensuite il est monté jusqu'au septième ciel. Et il est descendu en une seule nuit. Pour lui, c'était l'argument irréfutable pour accuser le Nabi alayhi salatu wassalam de mensonge. Et on avait vu également la position de Abu Bakr Siddiq. Quand il a appris cette nouvelle, il ne l'avait pas appris du prophète alayhi salatu wassalam au début. C'est Abu Jahl qui était venu lui rapporter ça. Il lui a dit, s'il l'a dit, c'est qu'il a dit vrai. Donc ça, c'est par rapport au lieu que le Nabi alayhi salatu wassalam a visité. Et ensuite, l'imam Ibn Kathir, il a cité quelques ahadiths qui sont étranges et dans lesquels il y a des choses blâmables. Il les a cités pour nous mettre en garde contre ces ahadiths, si jamais on les lit dans des livres, de savoir qu'ils ne sont pas authentiques. Yani, qui contiennent des choses blâmables. Parmi ces ahadiths qu'il a cités, rahimahullah, yani, par rapport à l'ascension et le voyage nocturne, Nabi alayhi sallam, il a dit qu'il a pris une monture plus grande que l'âne, plus petite que le mulet. Elle fait un pas à l'endroit, son pas, il arrive à l'endroit où arrive sa vue. Le dernier point qu'elle voit, c'est jusqu'à ce point qu'elle fait son pas. Donc c'est un très grand pas. Et Nabi alayhi sallam, il est monté, et Jibril alayhi sallam est monté avec lui sur cette monture. Donc ça, c'est un hadith, rappelez-vous, dans lequel il y a des choses étranges que l'imam Ibn Kathir nous a citées pour nous mettre en garde contre ces choses-là. Et qui se contredisent avec des choses rapportées authentiquement. Ensuite, Jibril alayhi salam lui a dit, descends et fais la prière. Et il est descendu, alayhi salam, il a prié un endroit, sur le route. Ensuite, Nabi alayhi salam aurait demandé à Jibril alayhi salam, c'est quoi cet endroit dans lequel tu m'as ordonné de prier? Il lui a dit, t'as prié à Taïba, la terre vers laquelle tu vas émigrer. Taïba, yani le Madina. Ensuite, il lui a dit, descends et prie. Et il a prié. Il lui a dit, c'est où j'ai prié? Il lui a dit, t'as prié à Tor au Sinaï. Là où Allah s'est adressé à Moussa, il a parlé à Moussa, alayhi salam. Et ensuite, il lui a dit encore une fois, descends et prie. Il est descendu, il a prié. Il lui a dit, j'ai prié où? Il lui a dit, t'as prié à Bayt Lahm, l'endroit où naît Isa alayhi salam. Bayt Lahm, je pense, ils disent, il y a quelque chose qui se rassemble, Bayt Lahm ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est en Palestine, l'endroit où, soi-disant, Isa alayhi salam est né. Ensuite, il est entré avec lui dans la mosquée de l'Aqsa. Allah Azza wa Jalla lui a réuni tous les prophètes et Jibril alayhi salam lui a dit de s'avancer et de les diriger dans la salat. Et ensuite, il est monté au ciel du bas-monde. Ce hadith, dit l'imam Ibn Kathir, est étrange. Il contient des choses étranges. Et dans les hadiths authentiques, des choses qui contredisent ce qui est cité ici. Yani, qu'il s'est arrêté, il lui a demandé de prier un endroit. Ça, yani, c'est des choses étranges. Dans la religion, on vénère pas les endroits. Comme ça. Et, sauf s'il y a un dalil. sauf s'il y a un dalil. Mais on ne va pas spécifier un endroit avec une adoration que quand il y a une dalil. Que quand il y a un dalil. Sinon, ça rentre dans le bid'ah. Spécifier un endroit ou un temps ou une personne par une adoration, ça demande un argument authentique du livre d'Allah ou de la sunna de son prophète. Sinon, c'est la bid'ah. Donc, le fait qu'il s'arrête et qu'il prie à ces endroits, ça nécessite un dalil authentique. Et celui-là, il ne l'est pas. Également, un deuxième hadith qui est rapporté par un homme qui est délaissé par les savants du hadith. Qui s'appelle Bakr ibn Ziyad al-Bahili. Il l'a rapporté selon Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, selon Saïd ibn Abi Aruba, selon Qatada, selon Zurara ibn Awfa, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi sallam, a dit, la nuit du voyage nocturne, Jibril m'a dit de prier à côté de la tombe de mon père Ibrahim. Et ça aussi, c'est étrange. Ça, en général, c'est des gens qui ont des tendances soufis, qui inventent des hadiths comme ça. Parce que soufis, ils ont des croyances comme ça. Ils croient que c'est méritoire de prier à côté des tombes, de manière générale, et en particulier les tombes de soi-disant les saints et les alliés d'Allah. Alors qu'en islam, c'est une bid'a. Et le troisième qu'il a cité, c'est le hadith qui a été rapporté par l'imam Ibn Jarir al-Tabari dans son livre d'histoire. Bien évidemment, les livres d'histoire, les savants, ils mettent pas comme condition de rapporter ce qui est authentique. Ils rapportent tout ce qu'ils entendent dans les livres d'histoire. Et après, ils te rapportent avec des chaînes de transmission. C'est à toi de savoir ce qui est authentique de ce qui l'est pas. Ce hadith est rapporté selon un homme connu comme menteur. Et lui, il le disait, qu'il mentait dans les hadiths, qui s'appelle Abu Nu'aym Umar ibn al-Subh, un homme très connu par le mensonge dans les hadiths. Il rapporte, selon Muqatil ibn Hayyan, selon Ikrima, l'élève de Abdullah ibn Abbas, selon Abdullah ibn Abbas, que dans la nuit de l'ascension, Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam est parti voir Yagog et Magog. Il les a appelés à l'islam. Et ils ont refusé. Et ensuite, il est parti en compagnie de Jibril alayhi sallam rendre visite à deux villes. La première, elle s'appelle Jablaq. C'est une ville qui se trouve à l'est. Et ceux qui habitaient dedans, c'est les restes de Ad. Parmi la descendance de ceux qui ont cru de la tribu de Ad. Et la deuxième ville, elle s'appelle Jabars. Elle se trouve à l'ouest. Et les habitants de cette ville, c'est de la descendance de ceux qui ont cru de Thamoud. Il les a appelés tous les deux à l'islam, ils ont tous cru. Et dans ce hadith, il est rapporté que chaque ville de ces deux villes auxquelles, soi-disant, Nabi Isa sallam s'est rendu, a 10 000 portes entre chaque porte et la suivante, il y a à peu près 5 kilomètres, ou un petit peu plus, entre 5 et 6 kilomètres, un farsakh. Le farsakh, si vous vous rappelez, ça rentre dans le calcul de la distance à partir de laquelle on commence à raccourcir la salate. Comme vous savez, on raccourcit la salate chez la plupart des savants à partir d'une distance parcourue en deux étapes à dos de chameau. Et ça, c'est équivalent à ce que tu traverses en 2 jours de voyage. Car chaque étape, c'est 1 jour de voyage. Les Arabes, ils voyageaient à deux chameaux, et quand, en général, ils vont faire leur voyage, quand il fait pas très chaud. Et quand il fait chaud, ils s'arrêtent pour une sieste, pour se reposer, manger, faire leurs besoins, et ainsi de suite. Et cette distance, les savants l'ont estimée à ce qui est traversé en quatre burud. Le barid, ça représente quatre farsakh. Et le farsakh, c'est à peu près 5 kilomètres. Si on dit 5 kilomètres, ça veut dire un barid, ça fait 20 kilomètres. Et 4 burud, ça fera 80 kilomètres. C'est pour ça, la plupart des savants, ils disent que tu peux raccourcir la salat à partir de 80 kilomètres. Et d'autres savants, et ça c'est un avis minoritaire par rapport au premier, mais ça ne veut pas dire que c'est pas le haq. Dans ces questions, il faut étudier la divergence et choisir l'avis qui te semble le plus proche de la vérité. Mais un autre avis qui dit qu'il n'y a pas une distance pour déterminer le voyage. On revient aux coutumes. Ce que les gens appellent voyage, ce sera un voyage, sinon ce ne sera pas un voyage. D'autres savants, ils disent, on regarde l'état de la personne. Est-ce que pour elle, elle est dans un voyage ou pas? Est-ce qu'elle se comporte comme un voyageur ou pas? Et on sait que le voyageur, il n'a pas toutes ses affaires avec lui. Et quand il s'arrête, il ne mange pas que comme il mange chez lui, comme le résident, et ainsi de suite. Ils disent, on regarde ces points-là. Et donc, il est dit que ces deux villes, chacune, a 10 000 portes. Entre chaque deux portes et l'autre, il y a à peu près 5 kilomètres. Et sur chaque porte, il y a 10 000 hommes qui surveillent. Et ils s'alternent dans la garde de la ville jusqu'au jour, jusqu'à l'arrivée de la fin des temps. Et à la fin de ce hadith, il est dit, par Allah, si c'était pas le grand nombre de ces gens-là, les habitants de ces deux villes, et leurs cris et le bruit qu'ils causent, tous les gens de la dunya auraient entendu le soleil quand il tombe, quand il se couche, quand il tombe en se couchant, ils auraient entendu son bruit. Mais comme ils sont tellement nombreux, ils font du bruit, on n'entend pas le soleil quand il se couche, le bruit qu'il provoque quand il se couche. Donc ça, c'est un hadith également menti sur le Nabi alayhi salatu wasalam. Et dans ce hadith, Nabi alayhi salatu wasalam les aurait, il aurait appelé également d'autres gens et ils n'ont pas cru en lui. Moi, tout ça, c'est des mensonges. Et l'imam Ibn Kathir a précisé ici, à la fin de ce hadith, qu'il l'a cité dans son livre, afin de ne pas être leurré, de le trouver dans des livres de savants dignes de confiance, et de croire que c'est authentique. Et comme il est en lien avec la nuit de l'ascension et du voyage nocturne. Ensuite, il a fait un autre chapitre dans lequel il a parlé, rahimahullah, de ceux de qui Nabi alayhi salam a entendu. Le premier, bien évidemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi alayhi salam a entendu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la nuit de l'ascension. Allah s'est adressé à lui, il lui a parlé directement sans intermédiaire. Il a entendu la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne l'a pas vu. Car il était voilé par la lumière subhanahu wa ta'ala. Et si Allah, comme c'est rapporté dans un hadith, si Allah retire son voile, toutes ses créatures brûleront. Subhanahu wa ta'ala. Il a entendu le discours d'Allah dans la nuit de l'ascension également, dans lequel Nabi alayhi salam nous a rapporté ce hadith est dans l'authentique de l'imam al-Bukhari et dans l'authentique de l'imam muslim également. Nabi alayhi salam a dit, j'ai été appelé. Et il a entendu, j'ai accompli ma prescription et j'ai allégé mes serviteurs Ô Muhammad, la parole auprès de moi ne change pas. Quand la chose est décrétée, ça ne change pas. Ça sera 5, c'est-à-dire salawat, et 50 dans la récompense. Donc ça, c'est une parole qui ne peut provenir que d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit, j'ai allégé mes serviteurs, j'ai accompli ma prescription, la parole ne peut être changée auprès de moi. Ça, c'est la parole d'Allah. C'est Allah qui parle. Ça ne peut pas être la parole d'une créature. Donc, Allah Azza wa Jalla a parlé au prophète, alayhi sallam. Et les savants, ils ont pris un verset dans le Coran qui est similaire à ce hadith, comme dalil que le Coran n'est pas créé et que le Coran n'est pas la parole d'une créature. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Car dans le Coran, Allah, il dit, quand il s'est adressé à Moussa, alayhi sallam, il dit, dans Surah Taha, le verset 14, il dit, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Dans le sens approximatif, certes, je suis Allah. Point d'autre divinité que moi. Adore-moi donc. Accomplis la salat pour me rappeler à ton souvenir. Donc, Allah dit, je suis Allah. Ça, c'est un dalil que le Coran est la parole d'Allah, réelle. Comme ont dit les savants du Salaf et leurs imams, ça, c'est parmi les plus grandes preuves que le Coran est bel et bien la parole d'Allah, incréée. Car il n'y a pas une créature qui peut dire une parole comme ce qui est cité dans ce verset. Et certains parmi les savants du Salaf ont dit, celui qui prétend que la parole Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, celui qui prétend que ce verset est créé, c'est un mécréant. Car il prétend qu'Allah Azza wa Jal, car il prétend li'annahu biza'mihi yakunu dhalika al-mahall al-makhluq قد دعا موسى عليه السلام إلى عبادته. قد دعا موسى عليه السلام إلى عبادته. Donc, celui qui prétend que ce verset, que le Coran est créé, et en particulier ce verset, celui-là est un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il aura prétendu que cette créature qui a parlé avec ce verset a appelé Moussa alayhi salam à son adoration. Et ça, c'est une mécréance. L'adoration ne se doit qu'au créateur, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est sa parole. Car personne ni rien ne peut parler avec ce verset excepté Allah. Je suis Allah. Personne ne peut dire ça. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le seul qui peut dire ça. Et il l'a appelé à son adoration. Donc l'adoration ne se doit qu'à Allah. Donc ça, c'est la parole d'Allah. Regardez comment c'est fin. Yani cette déduction, cette subtilité dans la compréhension du Coran, cette finesse, voilà le terme que je cherchais, cette finesse dans la compréhension du Coran et cette déduction extrêmement minutieuse. Bien évidemment, les dalils que le Coran et la parole d'Allah incréés sont extrêmement nombreux. Mais dans ce dalil, il y a une particularité. C'est quelque chose dans laquelle tu mets la personne face. Comme ils disent, face au fait accompli. Il n'a pas le choix. Il reconnaît que le Coran est la parole d'Allah incréée ou sinon il mécroit. Yannassi, il dit que ça, le Coran, c'est pas la parole d'Allah. Comme ils disent, l'Asha'ira, ils disent, certains parmi eux, ils disent, Allah a créé une créature qui a parlé avec le Coran. Ou ils disent, Allah a insufflé l'essence de le Coran à Jibril alayhi salam, et c'est lui qui a parlé avec le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc toujours, ça revient à ce que le Coran est une parole d'une créature. يعني il y en a qui disent un arbre, il y en a qui disent Jibril alayhi salam, il y en a qui يعني, mais tous ça revient à la même chose. C'est pour ça ce verset il est très dur pour eux. Et il les met devant cette réalité, ils la reconnaissent, sinon ils sortent de l'islam. Également le Mu'tazila qui disent que le Coran est créé. Le Mu'tazila ils disent que le Coran est créé. L'Asha'ira ils disent Ibaratun, c'est l'expression de la parole d'Allah. Ibaratun an kalamillah. C'est une exprimée. Allah Azza wa Jal a révélé l'essence à Jibril alayhi salam en lui sans parler. Et après Jibril alayhi salam, il les a exprimés. Ou là, il les a révélés à un arbre, ou là, mohem, yani selon les différents égarements qu'ils ont. Al-Maturidiyya, ils disent à peu près la même chose. Ils disent hikayatun an kalamillah. C'est-à-dire, on rapporte la parole d'Allah. Le Coran, c'est comme si on rapportait la parole d'Allah, mais c'est pas la parole d'Allah. Et beaucoup de ulama ilm se trompent en croyant que l'Asha'ira et le Maturidiyya, ils sont en accord avec Al-Sunna wal-Jama'a dans ce fondement qui concerne le Coran, la parole d'Allah. Car eux, ils disent, na'am, le Coran, c'est la parole d'Allah, comme c'est cité dans le Coran. Pas comme l'Asha'ira, pas comme le Mu'tazila. Le Mu'tazila, ils disent non, c'est pas la parole d'Allah, de manière absolue. C'est pour ça le Mu'tazila, c'est des innovateurs clairs et évidents. Ils sont moins dangereux que l'Asha'ira. L'Asha'ira, ils jouent. Et le Maturidiyya. Ils disent non, c'est la parole d'Allah. Mais après, quand tu rentres dans les détails, tu trouves que c'est pareil, il est créé. C'est pour ça qu'ils sont plus dangereux. Parce qu'ils vont utiliser les mêmes termes que Al-Sunnah al-Jama'a, mais ils vont leur donner des significations différentes. Et c'est pour ça, même des tullab ilm qui ont écrit dans ce domaine, ils se sont trompés. Ils ont cru que l'Asha'ir al-Maturidiyya, ils sont en accord avec Al-Sunnah al-Jama'a dans ces points. Al-Sunnah al-Jama'a, ils disent que le Coran est la parole d'Allah avec laquelle il a parlé réellement. Allah a parlé avec le Coran, avec des lettres et avec un son, une voix, et tout ça comme il convient à sa majesté et sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Et là, ça me donne l'occasion d'un point qui me tracasse chez certains de mes frères qui n'ont pas étudié l'aqida, surtout dans le domaine de l'asma ou sifat. Tout ce qui est rapporté authentiquement, faut pas que ça représente une gêne pour toi de le dire et d'y croire. Tout ce qui est rapporté authentiquement. Une chose, quand elle est rapportée authentiquement, ça, personnellement, ça me gêne pas. Quand tu as une bonne compréhension de Aqid al-Sunnah al-Jama'a, je vais vous citer un point. On sait que certains salafs ont dit « Allah s'assoit sur le trône ». Ce que je crois personnellement et par quoi je suis convaincu, qu'on ne doit pas utiliser ce terme, al-julus, parce que c'est pas rapporté dans les textes, tout simplement. C'est pas rapporté dans les textes. Et quand on parle d'Allah, on ne parle pas de nos têtes. On parle avec ce qui est rapporté, et on se limite à ça. Ce qui est rapporté, c'est l'istiwa, al-ulu, l'irtifa'. Allah, il s'est élevé au-dessus du trône. Il s'est établi sur son trône. Mais s'asseoir, parce que c'est par rapporté seulement que je le dirai pas. En sachant que certains imams parmi les salafs ont utilisé ce mot. Mais la plupart d'entre eux ne l'ont pas utilisé. Donc moi, personnellement, si c'est rapporté dans les textes, ça va pas me gêner. Contrairement à celui qui a des problèmes dans la compréhension de Aqidat al-Sunnah wal-Jama'a. Car il dit ça, Allah il s'assoit, donc il s'imagine des choses. Et ça, ça doit pas t'arriver quand t'as bien compris Aqid al-Sunnah wal-Jama'a. L'anna t'as une règle générale. Tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Moi, je m'assois. Le roi s'assoit. Allah s'assoit. Mais est-ce que c'est la même signification? La signification est selon à quoi t'annexes. Quand c'est annexé à Allah, ça correspond à sa majesté, sa grandeur, sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Et quand c'est annexé à la créature, ça correspond à la faiblesse de la créature, à l'impuissance de la créature, ça correspond à ça aussi. Pour ça, il y a des choses qui sont communes entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures, dont la base du sens. Allah subhanahu wa ta'ala a une main, la créature a une main. Mais est-ce que c'est le même sens? La main d'Allah est réelle, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Mais le comment, on ne rentre pas. Car poser la question sur le comment, ça te fait rentrer dans le bid'a, l'innovation, et dans l'égarement, et dans le début de la mécréance. Voilà, donc chaque chose qui est rapportée, on y croit. C'est pour ça que c'est très très important d'étudier Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a, surtout dans le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, ça va te sortir beaucoup de choubouhats de la tête. Et quant à ces choubouhats, ça prouve que tu es encore dans une forme de comparaison entre Allah et ses créatures. Mais quand tu arrives à stopper ça d'une manière radicale et tu crois à ce verset « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Rien ne lui est semblable et il est celui qui entend et celui qui voit toute chose. Celui qui entend toute chose et celui qui voit toute chose, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que l'Asha'ira et tous les égarés au niveau des noms et des attributs d'Allah, ils se sont égarés parce qu'en réalité, au fond, ils comparent Allah à ses créatures. Ils comparent Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. C'est pour ça qu'ils ont fui les noms et les attributs et ils ont falsifié leur sens. Quand ils entendent Allah descend, ils s'imaginent des choses qui sont dans la créature. Mais Al-Sunnah al-Jama'a, ils ne s'imaginent pas ces choses-là. Allah, il descend réellement, mais comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Eux, comme ils ont, ils comparent Allah à ses créatures, quand ils lisent dans les textes authentiques, Allah, il descend, ils veulent fuir ça, comment je fais? Ils falsifient le sens, ils disent, la descente de ses anges, la descente de sa miséricorde, la descente de son ordre. Est-ce que la descente de l'ange est spécifique à ce moment, le troisième tiers de la nuit? Est-ce que la descente de la miséricorde est spécifique à ce moment? Est-ce que la descente de ses ordres, il y a quelque chose qui prouve qu'Allah ne révèle ses ordres que dans le troisième tiers de la nuit? Non, c'est une descente réelle, réelle, avec son essence. Il se rapproche davantage de ses créatures, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et on s'imagine pas les choses qui sont valables pour la créature. Je vous en cite une. La créature, quand elle descend du troisième étage au deuxième, elle est plus présente dans le troisième étage. Et avec cette descente, elle s'est rabaissée. Elle est descendue vers le bas. Ça, c'est la créature. C'est pas le créateur. Le créateur, il descend parce que c'est lui qui nous a informés. Et il nous a parlé en langue arabe. Et il a voulu qu'on comprenne le sens. Il n'est pas comme le Mufawwida, une autre secte égarée qui disent on comprend pas le sens. On croit au terme sans comprendre le sens. Comme si on est des ajam qui ne comprennent pas du tout un mot d'arabe. Non, le Coran, chaque mot a une signification. Jusqu'aux lettres, les lettres, les huruf al-muqatta'a, alif, lam, mais même ces lettres, les savants leur ont donné des sens. Et même ceux qui n'ont pas donné un sens, yani pour chaque lettre, ils ont donné un sens pour lequel ils sont cités dans ces sourates. Et que c'est en lien avec le livre d'Allah. Et que c'est une forme de défi lancé aux Arabes. Donc, quand tu lis une chose qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs, il faut y croire et comprendre de cet attribut ce que comprennent les Arabes purs. Et savoir que rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, de ses créatures. Rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comprends le sens et purifie Allah de la ressemblance à ses créatures et délègue-lui la connaissance du comment et de la manière. Et ça, il n'y a aucune de ces créatures qui ne connaît ça. Ça n'a même pas, ni même notre prophète, il ne connaît pas le comment. Voilà, ça c'est des points qui concernent les noms et les attributs qui sont importants. Et pour vous faire aimer d'apprendre l'aqida, surtout au niveau des noms et des attributs. Et le livre le plus simple à ce sujet, c'est l'aqida al-wasitiyya de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et ça a été rapporté également de notre prophète, beaucoup de hadith qudusiyya. Le hadith divin, c'est le hadith qui nous est rapporté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais dont les termes sont à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la parole d'Allah qui nous est rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est pas du Coran. Donc on a trois choses dans la révélation. On a le Coran, qui est la parole d'Allah et les termes d'Allah. On a le hadith al-Qudusi, le hadith divin, qui est la parole d'Allah et les termes d'Allah. Transmis de la part du prophète Aïssa sallallahu alayhi wa sallam également, comme le Coran, mais il a des points, yani, le Coran a des points qui le distinguent de le hadith divin. Parmi ces points, le hadith divin, tu peux pas le lire dans la salat, à la place du Coran. Le hadith divin, quand tu le lis, t'as pas dit hasanat par lettre comme le Coran, et ainsi de suite. Mais sinon, les termes et les sens proviennent d'Allah. Et ça, c'est l'avis le plus juste chez Al-Sunnah Al-Jama'a. Il y a un autre avis comme quoi les termes sont les termes du prophète Aïssa al-Salam et le sens est révélé par Allah. Donc, ils l'ont comparé au hadith prophétique. Mais le premier avis que je vous ai cité, c'est l'avis le plus juste. Et la troisième chose qu'on a, le hadith an-nabawi, le hadith prophétique. Donc les hadiths divins, c'est aussi la parole d'Allah qu'il a révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, l'imam Ibn Kathir a cité « Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh »« Oh mes serviteurs » Ça c'est Allah qui dit ça. Vous êtes tous affamés, excepté celui que j'ai nourri, rapporté par l'imam Muslim. Et certains savants ont fait des livres spécifiques dans lesquels ils ont parlé de ces ahadiths divins. Ils ont fait des compilations de ahadiths divins. L'imam Ibn Kathir a cité Zahir Ibn Tahir, rahimahullah. Il a cité Ad-Diya Al-Maqdisi. Il a cité Ali Ibn Balban. Il a fait un livre dans lequel il a compilé tous les hadiths divins qu'il a pu trouver. Ibn Balban, il est très connu, c'est celui qui a fait l'Ihsan bi-Tartibi Sahih Ibn Hibban. Et beaucoup de savants, parmi les savants du hadith et des fondements de la jurisprudence, ont pris l'avis que la sunna est une révélation comme le Coran. Car Allah Azza wa Jal dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien qui soit dû à la passion. Il s'agit d'une révélation qui lui est inspirée. Donc sunna, c'est également une révélation. Mais, comme je vous ai expliqué précédemment, sunna prophétique, le sens est révélé par Allah. Mais c'est le Nabi alayhi salam sallam qui l'exprime avec ses propres mots. Mais sinon, le sens est révélé d'Allah. Comme Allah dit ici, il ne prononce rien qui soit dû à la passion. Il s'agit d'une révélation qui lui est inspirée. Donc c'est pour ça les savants, ils disent que la sunna, c'est la deuxième révélation après la première qui est le Coran, la parole d'Allah. Et il a dit que le grand mémorisateur Abu Bakr al-Bayhaqi, dans son livre « Al-Madkhal ila sunan » a parlé de cette mas'ala de la manière la plus parfaite et la plus excellente et la plus détaillée. Et ce livre, c'est un livre extrêmement précieux, comme la plupart des livres de Al-Bayhaqi, rahimahullah. Al-Bayhaqi, c'est un savant Shafi'i. Et c'est lui qui a propagé le madhab de l'imam Shafi'i. C'est un savant du hadith. Et justement, Al-Bayhaqi, justement, ça me vient quand on parle de Al-Bayhaqi, on parle de l'manhaj salafi. Al-Bayhaqi, rahimahullah, après avoir atteint un niveau très très élevé dans la science, il a entendu un de ses chouyours faire les éloges d'un grand savant qui était Ash'ari. Et il l'a pas mis en garde contre sa aqida. Peut-être que ce grand savant ne savait pas cela, que cet homme avait un égarement au niveau de l'aqida. Et ça a été une cause que le Bayhaqi s'est approché de cet homme de science Ash'ari et il a été touché par l'Ash'ariya. Ça te dit que tu dois jamais te croire à l'abri de l'égarement et que tu dois avoir très peur pour ta religion. Car si tu perds ta religion, t'as tout perdu dans cette dunya. T'as tout perdu. Si tu perds ta religion, t'as tout perdu dans cette dunya. Et ne te crois pas à l'abri. Non, je connais, alhamdoulilah, al-haq. Non, salaf, ils n'étaient pas comme ça. Ils se préservaient, ils préservaient leur religion. Et ne va pas écouter tout le monde et n'importe quoi sur YouTube, sur les choses comme ça. Prends la science de source sûre. Et ceux, subhanallah, qui respectent ce point, tu trouves qu'ils sont dans une tranquillité, apaisement et sérénité. Contrairement à ceux qui écoutent des shubuhat à droite, à gauche, et après ils sont perturbés. Parce qu'ils n'ont pas respecté ce principe fondamental de Al-Sunnah wal-Jama'a et de savoir de qui tu prends ta science. Et ne te crois jamais à l'abri. Dès que tu commences à te croire à l'abri, c'est le début de ton égarement. Et tant que tu as peur pour ta religion, et tant que tu fasses attention à ta religion, tu es dans le bien, alhamdulillah. Et c'est pas parce que ta science va augmenter que tu vas t'exposer au danger. Au contraire, plus ta science augmente, plus tu vas faire attention. Et plus tu vas avoir peur pour ta religion. Est-ce que vous, allez comparer, faites toujours l'analogie avec Dunia. Est-ce que vous avez vu un homme extrêmement riche, qui a des fortunes, exposer son capital au risque et au danger, où il s'assure, quand bien même il devient très riche, il s'assure pour chaque affaire, il se renseigne, il prend des spécialistes, des gens qui vont le conseiller, des bons conseillers, des bons conseils. Adawa. Et Nabi alayhi salam qu'on a vu, il a vu Jibril alayhi salam, donc je poursuis avec ce que l'imam Ibn Kathir a dit, il a vu Jibril alayhi salam deux fois, comme Allah l'a créé réellement. La première fois, c'est dans la nuit de l'ascension, et la deuxième fois, c'est au début de la révélation. Comme Allah l'a décrit dans Sourate Najm, il a dit, « Allamahu shadidul quwa » Celui qui l'a initié est d'une force inouïe. « Dhu mirratin fastawa » Qui est d'une vigueur extrême. Et qui est d'une vigueur extrême. « Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la » Il se manifesta alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Thumma dana fatadalla. Puis il s'approcha et resta suspendu. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Il était alors à une distance égale à la longueur de deux arcs mis bout à bout ou en deçà encore. Et l'imam Ibn Kathir a dit, on a cité précédemment qu'il s'est réuni avec tous les prophètes et qu'il a vu leur place dans le ciel et qu'il a vu également le gardien du paradis, le gardien de l'enfer qui s'appelle Malik, comme Allah a dit. وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Ils ont dit, ils se sont criés, « Ô Malik, le gardien de l'enfer, que ton Seigneur nous anéantisse !» Il répondit, « Vous y êtes pour toujours !» Comme dans l'autre verset, قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله المستعان. Donc, comme dans le sens de ces versets, ils ont dit, Seigneur, notre infortune a pris le dessus sur nous et nous étions des gens égarés. Ils ont dit, notre amour pour les biens éphémères, pour les biens mondains et notre suivi de nos passions, a pris le dessus sur nous et nous étions des gens égarés. Ensuite, ils ont dit, Seigneur, fais-nous sortir de là, de l'enfer. Et si nous récidivons, nous serons vraiment injustes. Fais-nous sortir et si jamais on retombe dans la même chose, alors on n'aura plus d'excuses auprès de toi. Allah Azza wa Jal leur répond, Subhanahu wa ta'ala, et il est rapporté dans certains hadiths qu'il leur a répondu après le temps de la dunya, tout entière, depuis son début jusqu'à la fin. Ils ont eu la réponse. قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ. Il dit, restez-y, humiliés, et ne me parlez plus. Et ne me parlez plus. Et ils ne parleront plus jamais après cette parole d'Allah. Plus jamais personne ne parle en enfer. Ils ne vont que souffrir en silence, sans parler. Et ils ne vont plus invoquer Allah et lui demander. Et leur espoir, et ce sera la fin de leur espoir, après cette parole d'Allah. Restez-y en enfer, dans l'humiliation, restez-y, ville, et ne parlez plus, et ils ne parleront plus jamais. Ça, c'est la fin du mécréant dans le feu de l'enfer, al-iyadu billah. Quelle mauvaise fin. Et pourquoi le serviteur, il va exposer sa religion en danger pour cette dunya qui ne vaut même pas l'aile d'une mouche. Et si jamais il perd sa religion, qu'est-ce qu'il va emporter avec lui de la dunya? Si jamais il perd sa religion, qu'est-ce qu'il va emporter avec lui de ce bas monde vers l'au-delà? Ce qui va l'accompagner dans sa tombe, c'est un morceau de tissu, un kafan, un linceul. Et ça ne restera pas très très longtemps non plus. Il n'aura que ses bonnes œuvres et sa foi et sa aqida et son attachement à sa religion. Ça, c'est dunya. Et dunya, c'est pas un objectif en soi-même. C'est un moyen. Allah Azza wa Jalla nous a pas créé pour la dunya. Il nous a créé pour l'akhirah. Donc le Nabi alayhi salatu wasalam, il a vu le gardien du paradis, le gardien de l'enfer, et à chaque ciel, il a été accompagné, dans chaque ciel, il a été accompagné par l'élite de ses anges jusqu'au ciel suivant. Et ensuite accueilli par l'élite des anges du ciel suivant jusqu'au ciel d'après, et ainsi de suite. Et il est rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas passé par un groupe d'anges sans qu'ils lui disent « Ô Muhammad, ordonne à ta communauté de pratiquer le hijama, le mérite de le hijama. » Tout ça, c'est rapporté par l'imam Ibn Kathir dans ce chapitre. Et dans un autre hadith, ils ont dit au Muhammad, ordonne à ta communauté de multiplier leurs plantations dans le paradis, en disant Subhanallah, Alhamdulillah. Et Jibril alayhi salam est descendu avec le Coran sur le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on est toujours, rappelez-vous, dans ceux de qui le Nabi alayhi salam a entendu. Donc les anges dans le ciel, Jibril alayhi salam avec le Coran et autres. Et comme on a vu, Allah lui a envoyé l'ange des montagnes à un endroit qui s'appelle Qarn al-Tha'alib, avec un message de la part d'Allah. Il lui a dit, demande-lui si tu veux, et si tu me donnes l'ordre, je l'écraserai entre les deux montagnes, c'est-à-dire les deux montagnes de Mecca. Mais le Nabi alayhi salam a demandé, a espéré qu'Allah fasse sortir de eux et de leur descendance des gens qui adorent Allah et qui l'unifient sans rien lui associer. Dans l'authentique de l'imam Muslim, un ange est descendu avec les deux derniers versets de Sourate Al-Baqara. Avec les deux derniers versets de Sourate Al-Baqara. Et Nabi alayhi salam a écouté de certains de ses compagnons radiyallahu anhum également, comme il est rapporté qu'il a écouté de Quss ibn Sa'ida al-Iyadi radiyallahu anhu. Et il a écouté de Tamim al-Dari radiyallahu anhu l'histoire de le Masih al-Dajjal. Tamim al-Dari, c'est le compagnon qui a vu le Masih al-Dajjal dans une île. Il est venu, il a raconté cette histoire. Et le Nabi alayhi salatu wassalam leur avait parlé de le Masih al-Dajjal et de cette histoire avant l'arrivée de Tamim al-Dari. Et quand il est venu, il a raconté ce qu'il a vu quand leur bateau s'est égaré en plein mer et qu'ils se sont arrêtés sur une île. Et il lui a dit ce qu'il a vu dans cette île et qu'il a vu entre autres le Masih al-Dajjal, cet homme qu'il a décrit. Le Nabi alayhi salatu wassalam s'est réjoui énormément. Il a réuni les compagnons, il leur a dit, écoutez ce que je vous ai raconté. Voilà, lui, il l'a vu. Ça, c'est dans l'authentique de l'imam Muslim. Donc, le Masih al-Dajjal, le faux Christ, ou là, comme, le faux Christ, na'am, est vivant et existant aujourd'hui. Il attend le jour où Allah subhanahu wa ta'ala lui permettra de sortir. Donc, on va terminer sur ça. Je vais finir avec une faïda. Comme on a parlé des deux versets de l'Baqara, dont c'est une sunna, celui qui les récite dans une nuit, il ne sera pas touché par un mal. Il y a certains de nos frères et sœurs qui se posent la question, comment ça se fait? Je fais adhkar al-masa, je fais adhkar al-sabah, je fais des invocations, et pourtant, je suis touché par des malheurs, je suis touché par des choses. Alors que, par exemple, je lis dans le hadith que celui qui fait ça, il ne sera pas touché par ça. Et je fais, et je suis touché. D'où vient le problème? Le problème en général, il vient de deux points. Ou d'un des deux points. Et des fois, ça peut être les deux à la fois. Donc, ces deux points auxquels j'attire votre attention et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de leur accorder de l'importance, beaucoup d'importance. Car ainsi, on profitera de ces invocations qu'on dit. La première, c'est la certitude sur la véracité de ce qui est promis dans ce hadith. Comme on avait, Aïssa te dit, celui qui dit ça, il ne lui arrivera pas ça et ça dans cette nuit. Faut que t'aies la certitude. C'est pas tu dis, je vais le dire, de toute façon, j'ai rien à perdre. Ou je vais essayer. Je vais tester. Ça, tu peux avoir la garantie que ça ne fera pas l'effet et tu n'auras pas ce qui a été promis dans le hadith comme protection ou comme préservation. Tu peux en être sûr. Donc, il faut le dire avec certitude et conviction forte sur la véracité de ce que Nabi Issa Salam t'a dit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de le dire avec la langue et le cœur. De le dire avec la langue et le cœur. Qu'est-ce que je veux dire par ça? De le dire avec la langue, quand tu prononces avec la langue, de méditer ce que tu dis. La plupart d'entre nous, je demande à Allah de nous faire miséricorde, quand on répète l'adhkar, pour ceux qui les disent, quand on dit l'adhkar, ça devient machinal. Comme une routine. Ma langue est habituée. Je l'ai dit sans réfléchir à ce que je dis. Et sans méditer ce que je dis. Et ça aussi, c'est une cause qui fait que ça sera pas exaucé. Et que tu vas pas profiter de ce dhikr. Et de ses mérites. Et de ses vertus qui ont été promises dans les hadiths authentiques. Donc, fais attention à ces deux points. Fais avec certitude et médite ce que tu dis. Et des fois, il vaut mieux faire quelques adhkars et d'être concentré et de méditer ce qu'on dit que de dire beaucoup sans méditation. Savoir ce qu'on dit. Et ça, c'est un jihad. C'est un jihad. Au début, quand tu commences à faire l'adhkar, c'est plus facile. Car c'est nouveau, et de toute façon, si tu te concentres pas, tu vas te tromper. C'est pour ça que t'es forcé de te concentrer. Et il suffit de comprendre ce que tu dis pour être concentré. Contrairement aux langues des années, où ça devient mémorisé, comme le Fatiha, et tu dis sans réfléchir à ce que tu dis. Tu peux penser à des affaires, penser à des problèmes avec le voisin, penser à ce que ta femme a préparé à manger, et d'autres choses, tout en disant l'adhkar. Donc le problème, en général, il vient de un de ces deux points, sinon les deux. Qu'Allah nous facilite bien partout qu'on soit. Je pensais finir le dernier chapitre ce soir, avant de parler des points spécifiques au prophète alayhi salam sallam, mais le cours a duré très longtemps. Je demande à Allah de nous faire profiter de ce qu'on a étudié, de nous accorder, de nous augmenter en science bénéfique et profitable, et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous maintenir sur cette religion jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.